fou de Mathieu Plante. 89.1. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dell Television, Television, la série Modern Family s'offre un épisode entièrement composé de produits Apple. Assez fou, personne n'en parle, mais on enregistre nos émissions avec des micros mous. Microsoft, c'est une joke de geek, Microsoft. Alors merci science, un petit robot qui a la faire avaler des pilules aux enfants. Après on essaie de nous faire avaler que les robots ne deviendront pas maîtres du monde. Et dans le segment Geek CLX, des meubles qui s'assemblent automatiquement. Pour Mathieu Plante Show tout de suite. Et voici celui qui aimerait bien qu'assemblage requis s'assemble tout seul. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, la chronique télévisuelle Television Television, le segment Geek CLX, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine. Merci science. On va aussi terminer, enfin, notre série musicale DKC Mixed 894. Sur la musique de la série Donkey Kong Country. Pour commencer l'émission, par contre, c'est le moment de la chronique sur les jeux vidéo rétro avec notre chroniqueur célèbre à travers le monde, Samuel Girard. Ça. Salut, c'est, Samuel. C'est très joyeux. Salut, Mathieu. Yeah, ça me rend heureux, c'est le fun. Ben oui. Hey, je pensais à ça. Les meubles qui s'assemblent tout seuls, ouais. IKEA va être dans le trouble. Ben oui, mais c'est ça. Là. C'est ça le problème. Les clés, qui va acheter les clés qui sont fabriquées par millions pour assembler ces meubles-là? Quelqu'un qui aime encore les bons vieux meubles qu'on monte à la main. Ben c'est ça, comme les jeux rétro, les jeux vidéo rétro, ça va tout le temps rester à la mode. Les meubles qui se montent pas tout seuls. Ben moi j'ai mon ensemble d'outils pour ouvrir les vieilles consoles des années 80, 70. Je me suis acheté ça. Eh oui. Donc il y en a pour tout le monde. T'es bien équipé, Samuel Girard. Ben oui, c'est le jeu du même. Sur les jeux rétro, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir un peu. Je me sentais nostalgique. Okay. Alors j'ai décidé de faire un petit retour dans le temps et de regarder c'était quoi les premiers jeux que mes parents m'ont acheté quand j'étais jeune. Ah. Oui, évidemment, on exclut les Mario et les Sonic parce que c'est les premiers jeux. Mes parents qui connaissaient facile. Pas ça, c'était les premiers jeux vers lesquels ils ont été. Les gens connaissent pas ça. Ceux qui achètent des Mario, c'est parce qu'ils savent pas quoi acheter de mieux. C'est ça que t'es en train de me dire? Non. T'es je dis bien juste mieux. Que les parents, okay. que eux n'ont pas grandi avec les jeux vidéo, ne connaissent pas. Ce qu'ils achètent, donc ils vont vers les gros titres, okay. les vendeurs. Je te surveille, là. Dis ben pas des enfants contre Mario. Hey, je dis rien contre Mario, ok? Mais c'est ça, donc j'ai exclu ces jeux-là. Donc j'ai essayé d'aller voir c'était quoi les autres jeux à part de ça, les premiers que je me suis fait acheter. Mm. Et en plus, j'avais déjà parlé de Mario et Sonic, donc je voulais varier un peu. C'est vrai, t'as raison. Alors, ça, donc le premier jeu que mes parents m'ont acheté, je pense même qu'ils me l'ont acheté avant les Mario et les Sonic, c'est World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck. Oh, c'est bon, ça! T'as-tu déjà joué? Celui-là, je pense pas, mais les jeux de Mickey Mouse, moi, c'était celui qui se passait dans un bateau, à un moment donné. Je pense que... Parce que je les mélange, il y en a plusieurs. Mickey Mouse Capade? Mouse Capade, c'est ça, on a déjà parlé ensemble. Oui, c'est en plein ça, donc au NES. Donc moi, c'est celui au Genesis, qui est sorti en 1992. Cool. Donc évidemment, je pense qu'il y a une version similaire, Castle of Illusions, au Super Nintendo. OK. Mais c'est pas les mêmes jeux du tout, mais je pense que c'était les... Parce que dans le test, c'était bien. Ils faisaient les jeux pour plusieurs consoles, mais pas les mêmes. Oui, ben c'est ça. Ça a un petit peu de variété. Puis si tu voulais jouer à toute la série, ben fait que tu te procures plusieurs consoles, fait que tout le monde gagnait là-dedans. Ça. Ben exactement. Sauf le client qui perdait deux fois plus d'argent, mais bon. Ouais, mais en même temps, je trouve ça quand même mieux que de sortir le même jeu sur trois consoles. C'est vrai. Mais bon. Donc c'est ça, donc mes parents, quand j'avais 3 ans, m'achètent un jeu de Mickey Mouse pour que je puisse m'amuser. Et en plus, c'est un jeu qui est multijoueur. Donc mes parents pouvaient jouer avec moi. Ouais. Donc ça c'était bien vu l'âge que j'avais. Mais ni vu ni connu, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué jusqu'à maintenant. Encore aujourd'hui? Est-ce que tu as rejoué récemment? J'ai joué récemment et je rejoue régulièrement. OK, je vais en venir à ça. Donc, c'est très simple. C'est un jeu d'aventure. Donc, on bouge de gauche à droite et on passe d'un niveau à l'autre. à tous les 2-3 niveaux. Hey, c'est drôle, ça. J'ai mis la trame sonore du jeu derrière. Je fais mon gros possible, ça. Génial. c'est ça, en fait. Une fois qu'on a fait plusieurs niveaux, on va évidemment avoir à battre un monstre un peu plus puissant au bout de 2-3 niveaux. Et là, ça permet de débloquer des sorts et d'avancer plus loin dans le jeu. OK. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Mickey et Donald donnent un spectacle de magie dans le vrai monde, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et notre monde. Ouais, c'est ça. Et leur tour va pas trop bien. Et là, eux autres, ils vont, après ça, dans l'arrière-scène et cherchent des objets pour faire des nouveaux trucs de magie. Ils trouvent une boîte mystérieuse. Et là, évidemment, ils peuvent pas satisfaire leur curiosité. Regardent dans la boîte, entrent à l'intérieur et pouf, ils disparaissent. Ah. Et ils sont rendus dans le monde d'illusion. Donc, World of Illusion. Et là, c'est un monde fantastique. Donc, évidemment, les créateurs se sont assurés d'avoir les créatures les plus disjonctées, des décors à l'arrière qui donnent l'impression que les concepteurs étaient sur le LSD. Mais c'est ça, maintenant, c'est très, très bien fait, très bien pensé. Évidemment, la manière que ça fonctionne, c'est que Mickey et Donald ont chacun une cape magique. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on transforme les ennemis en papillons à coups de cape magique. Oui. C'est n'importe quoi. Ben, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on aime, hein. Mais c'est un jeu pour enfants. Ben oui. C'est pas pour rien que les parents ont acheté ça. Pour toute la famille. Ben aussi. Oui, c'est ça. C'est pas juste pour les enfants. Et là, on pourrait s'attendre à ce que, peu importe qu'on choisisse Mickey ou Donald, le jeu fonctionne de la même manière. Eh bien, non. Non. On prend Mickey, on a une suite de niveaux. On prend Donald, on a des niveaux différents. OK. Donc, il y a des niveaux qui reviennent, les niveaux principaux, mais sinon, il y en a certains qui changent. Et si on joue à deux joueurs avec Mickey et Donald ensemble, eh bien là, on a d'autres niveaux différents. Et en plus de ça, les niveaux qui sont identiques, eh bien, eux sont modifiés pour que les joueurs soient obligés de s'entraider. Ah. Donc, j'explique. Si tu regardes la première photo... Sur la page Facebook du Mathieu Plancheau. En plein bien ça. Sûr. Donc, la photo où on voit Mickey et Donald... Oui, je suis là. Donc, c'est ça. Donc, Donald est en train de se faire tirer dessus par Mickey parce qu'il n'arrive pas à passer correctement sous un obstacle. Ah. Donc, c'est ça le niveau d'entraide dans le jeu. Donc, Mickey et Donald, on se fait s'entraider. Souvent, ils ont besoin de sauter des obstacles plus haut, donc ils doivent embarquer un par-dessus l'autre. Okay. Et quand un autre joueur est plus haut, il peut tendre une corde pour aider l'autre à faire monter. Et il y a le principe de la bascule aussi. Donc, un joueur se place sur la bascule, l'autre saute et ça fait... grimper l'autre en haut et après on lance une corde pour aider notre ami à grimper. Ça, c'est très intelligent. J'aime ce genre de jeu-là. C'est ça, cool. C'est bien pensé. Il y a des cartes à jouer? Oui. Donc, puisqu'on est dans un monde où Mickey et Donald font de la magie, eh bien, leur vie, c'est des cartes. Donc, ils ont en tout 8 cartes. Okay. Un coup, on s'est touché 8 fois, c'est terminé. Ah, c'est ça. C'est votre ça. Vie. Il faut prendre un bonbon ou un gâteau pour regagner de la vie. Le bonbon donne une carte, le gâteau redonne toutes les cartes. Il n'y a pas de petits lapins ou des chapeaux comme pour continuer la thématique magie? Hein? Le chapeau donne une vie. OK, oui. Donc, le chapeau de forme noire donne une vie. Le lapin. Oui, et on peut ramasser des cartes dans le jeu. Okay. Et à chaque fois qu'on ramasse 52 cartes, on gagne une vie. 52, hein? Oui. Pas 100, pas 50, 52. Okay. Ben, un jeu de cartes, c'est 52. 52 cartes. Ben oui, c'est tout est pensé. Ouais, t'as raison, c'est une thématique derrière ça. C'est vrai. Exactement. C'est ça, le jeu se fait quand même relativement vite. Pour ma part, quand tu te demandais est-ce que je joue encore, je fais le tour. Mon record, c'est 18 minutes et demie avec Mickey. Boy! C'est très rapide. C'est un speedrun, ça. J'ai une technique où je prends la manette, où je tiens avec mon pouce le bouton pour courir. Avec l'autre doigt, j'alterne entre le bouton pour donner le coup de cap magique et pour sauter. Parce qu'on se rappelle que les boutons A, B et C sont côte à côte. Oui, c'est ça. Donc, je tiens la manette en angle, donc je contrôle avec ma main gauche, avec la main droite, avec la technique de deux doigts. Mais là, je tiens tout le bouton pour courir et j'arrête pas d'un bout à l'autre. Wow. Et là, je connais tout le synchronisme de chaque ennemi par cœur parce que je joue depuis que j'ai 3 ans. Wow. Donc, ça va relativement bien. Le premier lien que j'ai mis sur la page Facebook aussi du Mathieu Plancheau, donc c'est moi en train de faire le jeu en 19 minutes. Non, pas encore. Encore du toit sur la page, on va tout être au courant de comment tu joues. Là, c'est le fun. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est moi qui fait le tour du jeu. J'aime ça. Évidemment, avec Donald, ça me prend un peu plus de temps. Je dirais peut-être entre 23 et 25 minutes. Okay. Parce qu'il y a des niveaux qui sont un peu plus difficiles. Je sais pas pourquoi, là, mais il y a des niveaux que je suis pas capable de bien réussir du premier coup. Peut-être que tu les pratiques seulement ces tableaux-là. Mais même là, je les ai pratiqués et il y a quelque chose qui fait en sorte que j'y arrive pas. OK. mais c'est pas grave, j'ai réussi à faire le tour au moins pareil. Ben oui. Et à deux joueurs, ben là, ça, j'ai personne avec qui jouer, donc je l'essaie pas. Non, pas vrai, j'ai joué pas longtemps avec un de mes amis qui a trouvé ça très bon comme jeu. C'est bon. C'est ça. Si j'y vais aussi, parce que j'aime ça parler de Easter Egg. Ouais. Donc la musique est beaucoup influencée par La Petite Sirène, Merlin l'Enchanteur, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, et même j'ai rajouté à ça La Belle au Bois Dormant. Ah. Donc j'ai écouté quelques extraits, il y a quelques similitudes, mais tu sais, c'est très subtil, donc je trouvais pas la pertinence d'amener d'extraits, mais c'est tout des produits de Disney, donc ça me surprend pas qu'il y ait des... Que Mickey Mouse, c'est aussi Disney, donc ouais, en plein ça a un lien. Ouais. Mais c'est le personnage initial qui a bien lancé Disney. C'est ça. Et le niveau, il y a un niveau où c'est juste des sucreries. On est dans un monde où on se promène sur des muffins, des gâteaux, on se fait attaquer par des barres de chocolat et des gaufres. On se fait lancer aussi des cannes à sucre, là. On se fait attaquer par ça. Ah ouais? Ouais, il y a une bouteille de champagne, quand le bouchon pop, on se fait transporter. toutes sortes de choses comme ça. Je veux aller à cet endroit-là, me faire tirer des barres de chocolat dans la face. Donc dans ce niveau-là, le fond d'écran est différent de la version américaine de la version japonaise. J'imagine que c'est culturel et que ça va avec les différents desserts qu'on a dans le monde. Mm-hmm. Donc j'imagine qu'au Japon, ils ont mis plus leur dessert typique contrairement à la version américaine. Ouais. Mais c'est ce que je pense qu'ils ont fait. C'est intéressant. Pour le jeu, ça se joue super bien. C'est simple. C'est un jeu à placer entre les mains des enfants. Je le conseille fortement. Il se fait rapidement. Le nombre de niveaux est très suffisant. Le fait qu'on puisse alterner un joueur, deux joueurs et que ce soit des niveaux redondants, c'est parfait. Donc le jeu, j'y donne un 8.5 sur 10. Génial. Est-ce que tu as joué plus récemment à Epic Mickey et les autres? Non, j'ai pas essayé. Non? Non. Je l'ai acheté, j'ai même pas encore joué. Ok, mais moi c'est mon frère qui m'avait amené ça, qui en avait fait un récent pour qu'on pouvait télécharger sur Xbox 360. Okay, ouais. Mais je l'ai pas essayé. Ok. Donc c'est ça, mais c'est toujours les mêmes principes. Dans un château, on a des épreuves. C'est puis, ça. J'ai vu quand même un petit vidéo de démo très court, mais je l'ai pas essayé. Voilà. On va passer au deuxième jeu. Deuxième jeu. Donc là, je m'en vais au Nintendo. OK. Donc le NES avec Rockin' Cats. Oh! Ça me dit absolument rien. J'ai jamais entendu même ce nom. Ben, je suis le seul à connaître ça. OK. Puis pourtant, mes parents m'ont acheté ça quand j'étais jeune. Je sais pas d'où est-ce qu'ils ont connu ça. Peut-être que c'est un coup de chance. Ils ont vu un chat sur une boîte. Puis ils ont dit, tiens, ça pourrait peut-être être un bon jeu. Donc on peut aller avec la deuxième photo pour te donner une idée de ça ressemble à quoi. Tout à fait. Je te prépare la chanson. Ben ouais. Oh, ça, c'est tellement bon en plus. Je suis content que tu aies préparé pour chacun des jeux. Ah oui, c'est tellement préparé. C'est vraiment bien préparé ton émission, Mathieu Plante. Sans commentaire. Improvisation. Okay, alors, donc ça, c'est un jeu qui est sorti au NES avec la compagnie Atlus en septembre 91. Okay. Donc, ça se joue à un joueur seulement. Donc, il n'y a pas de multijoueur là-dessus. Mm-hmm. Le joueur doit parcourir 7 niveaux. Ou vu qu'ils ont voulu faire ça original, 7 canaux de télévision. Ah, donc, c'est cool. Le menu de départ, c'est une télévision avec 7 chaînes différentes. Ouais. Et chaque chaîne est un niveau, donc une aventure. Génial. Évidemment, je pense qu'on en a 3 ou 4 au départ. Il faut débloquer les autres au fur et à mesure qu'on avance. Faut que tu prennes le câble pour pouvoir avoir la suite. Ouais, c'est ça, exactement. Il y en a qui est brouillé. Puis... c'est tellement bien dit. Donc c'est ça, donc ça permet justement de rajouter un petit concept à ça. Et c'est basé sur la thématique du jazz. Le jazz. Ouais, de là le Rockin' Cats. Ah, parce qu'il rock, puis du rock. Le jazz, c'est dérivé du rock. Genre. Non, le rock est le dérivé du jazz. Ça, ouais. Ça, j'ai dit en fait. Ouais, c'est si tu réécoutes la bande, tu l'as dit. C'est pas grave. C'est tellement bien préparé, cette émission-là. Ouais, c'est ça. Donc, le personnage principal, Willie, un chat qui est une vedette montante du jazz, doit parcourir la ville de New York pour sauver sa copine Jill, qui a été enlevée par un chien boss de gang de rue, Mugsy. Oh. Donc, c'est ça. Donc, sur la pochette, on voit le... Je l'ai pas mis la photo... Mais c'est ça, donc c'est un chien et t'as Willy qui est sur sa tête. Donc c'est très bien. Ah, ça paraît pas tant sur les captures d'écran. Hein. Je regarde, j'essaie de regarder de très près la capture d'écran de ce jeu-là. C'est celui-là avec le fond rose. Oui, exactement. On dirait pas qu'il y a un chat sur la tête par tête. Non, c'est la pochette. Non, c'est ça. C'est pas dans le jeu. Ouais, ça, c'est une image prise dans le jeu. Ah, je comprends. Ouais, moi, je parlais de la pochette. D'accord. Mais c'est pas grave. Donc, c'est ça, de la manière que ça fonctionne, et tout le jeu est basé là-dessus, et c'est ça que je trouve excellent, c'est que Willy, il y a un point qui s'allonge, comme un gant de boxe, et on le voit sur l'image. Oui, c'est ça qu'on voit. Ouais, le point peut s'accrocher après certaines choses, il peut frapper. Et il peut aussi aider pour les sauts. Ah. Donc on peut sauter, mais si en plus en sautant je donne un coup au sol, ben là il va sauter encore plus haut. Mm-hmm. Et en plus on peut frapper à angle. Oh. Donc si j'ai un trou à sauter, ben je peux me mettre de dos, frapper en diagonale et là ça va me propulser de l'autre côté du trou. En diagonale en prenant les deux flèches en même temps. Exactement. Le problème, c'est que la manette de Nintendo est pas vraiment bonne pour les diagonales. Pas du tout même. Donc je dirais que le trois quarts des vies que je perds dans ce jeu-là, c'est juste le diagonale qui a pas marché. Le mauvais contrôle. Longez-vous que la diagonale est quand même assez touchée. Il y a aussi des références aux cartes. Là. C'est quoi, t'as des jeux, t'as une thématique de cartes là-dedans. Il y a des, je vois des trèfles puis des piques sur les carreaux. Ah ça c'est juste, ça donne juste que c'est comme ça sur le fond, le mur. Ouais c'est décor, ça. Parce que vu qu'il est dans le coin, on dirait qu'il fait partie de l'interface du jeu. J'avoue. Ouais. Mais non, il y a pas de lien avec les cartes. Donc si on regarde l'image. Premièrement, il y a des sacs d'argent. Ouais. Parce qu'avec l'argent, on peut s'acheter des vies, des armes, des munitions, ces choses-là, pour compléter les niveaux. Donc, des objets supplémentaires. Les cœurs, c'est sa vie. Okay. Et le visage, c'est son nombre de vies. Okay. Okay? Donc, évidemment, on récupère des cœurs et des sacs d'argent dans le jeu pour pouvoir progresser. Je vous dirais que j'ai jamais acheté quoi que ce soit avec l'argent que je ramasse. Donc c'est pour le score final à la fin du jeu, j'imagine. On va dire. Il y a même pas de pointage dans celui-là. Voyons donc. Ouais, mais non, ça, non, mais quelqu'un qui veut s'améliorer peut le faire dans le jeu, mais ça ne nous empêche pas de faire le tour du jeu. C'est plus ça que je voulais expliquer. Je comprends. Exactement. Donc, c'est ça, et avec le fameux point de Willow, on peut tout faire. J'en ai vu qu'il se promenait, il arrêtait pas de jouer en diagonale, en frappant tout le temps au sol. Fait que là, il se promenait de toutes sortes de manières bizarres. Là, tu peux t'avancer, envoyer en diagonale, t'accrocher après un obstacle. Là, tu te mets à tourner. Tu te propulses, alors frappe encore, tu peux te promener comme cool. Ça, il y a des possibilités, c'est incroyable. Donc ceux qui sont habiles peuvent faire les niveaux de manière que personne n'aurait pensé faire. Ben voyons, on a Rocket Cat, ça manquait à ma culture, faut croire. Il va falloir que tu essaies ça un moment donné. Ben oui. Donc évidemment, je fais pas le tour très rapidement parce que j'ai de la misère encore à passer beaucoup de niveaux, mais je l'ai fait récemment, j'ai fait le tour. Okay. Pour peut-être quelques heures pour bien maîtriser chaque niveau, j'avais pas joué non plus depuis que j'étais très jeune. Donc ça a été un autre défi en soi du même coup. Mais ça a bien été de ce côté-là. Mm-hmm. J'ai fait le tour pareil. quand on complète le jeu, il y a un canal bonus qui s'ouvre. Ah, c'est ça que j'espérais. Là. Ouais. Ça, c'était pas beaucoup, il me semble. Ben, c'est ça. Mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'ils nous font faire une suite de niveaux où là, tout est à son plus extrême. Il faut maîtriser le point à la perfection pour pouvoir progresser dans le niveau. Donc, ils nous font faire des sauts quasi impossibles, des choses qui n'ont pas de sens. J'ai jamais été capable de le faire. OK. C'est vraiment... Ils ont vraiment fait ça pour... Pour les concepteurs du jeu. C'est ceux-là qui sont capables. Non, pour ceux qui allaient vraiment maîtriser le jeu parfaitement. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a aussi un autre canal, c'est des mini-jeux. OK. Je les ai jamais essayés. J'ai peut-être même pas remarqué qu'il y avait ça. Okay. J'ai peut-être appris quand t'as lu sur le jeu. Peut-être. Ben oui, mais je me suis dit, me semble que j'ai déjà vu quelque chose là-dessus, mais je m'en rappelle pas assez. Ouais. Mais peut-être que je vais retourner vérifier. J'étais peut-être trop préoccupé par l'aventure pour aller explorer. Les bonus. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le jeu se fait très bien. La progression des niveaux est bonne. Les niveaux ont une bonne longueur. Les ennemis, il y a pas de place où on se fait piéger vraiment. Mais oui, on peut, mais en même temps, on pourrait bien jouer et ne pas se faire piéger. Ouais. Donc c'est ça, les différents méchants qu'on doit battre dans le jeu sont tous bien faits. Donc ça fait une bonne progression dans le jeu, la difficulté augmente vraiment progressivement. Très bien pensé, donc je donne un 8 sur 10 au jeu. Super, excellent. Ça va bien jusqu'à maintenant. Mais c'est tes jeux préférés de ta jeunesse, fait que ça que tu donneras pas en Oui, mais ils sont bons en plus. C'est ça. Parce que j'en ai joué des jeux quand j'étais plus jeune que non. Ouais. Non, ça marche juste pas. Mais ça tombe bien, ceux-là, c'est des bons. Ouais. Alors, je vais passer au jeu suivant. Je suis rendu à Disney's Aladdin. Ouh! C'est ça, tout le monde connaît Aladdin. Ça, c'est un classique. Là. Oui. Mm-hmm. Le genre de voir qu'est-ce que tu m'as sorti. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il faut que je trouve des chansons qui sont pas du film. ouais, j'avoue que moi aussi, quand que je trouvais mes informations, il fallait que je fasse attention pour pas tomber sur le film. Ah! Oh. Donc, c'est ça, le jeu au Genesis sorti en novembre 93. Il y a aussi une version Super Nintendo. Oui. Évidemment, procurez-vous les deux, sont complètement différentes. OK. Donc, on suit la même histoire, mais ils ont fait la conception des niveaux de manière totalement différente. Je pense que ça, c'était Super Nintendo. Ça va être NES. Ça va être NES. Voilà. Ça sonne plus NES aussi. J'avoue. Oui. Là, c'était clairement Super Nintendo. Bon, mais là, moi, c'est la version de Genesis. Genesis, ben, OK, je retourne. J'ai comme réalisé que t'avais dit le NES. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, on contrôle Aladdin à travers les niveaux qui suivent l'histoire du film. Tout simplement. Donc, on n'a pas trop à se casser la tête là-dessus. Les gens connaissent bien le film. Jasmine. Là, je vais attendre que tu trouves... Veux-tu celle-là ici? C'est... le Agrabah Market? Ça, c'est parfait. Ça va, ça? Oui. C'est très Genesis. C'est... Tu ressens le son est pas pareil du tout sur la Genesis et la NES, comparé même à la Super Nintendo. Oui. C'est trois systèmes complètement différents, leur musique sonne pas pareil partout. Mais c'est ce qui fait que c'est beau. Mais c'est ça, ben c'est ce on qui a fait de la variété. Oh! Wow! C'est comme dans le rock, mais dans le chiptune, c'est pas pareil partout. Oh, wow! C'est de la... Il y a autant de variété. Ouais, donc si tu veux aller voir la troisième photo que j'ai mis, c'est le niveau de la chanson qui joue en plus qu'on voit. Hey, hein? Ouais. Est-tu bien préparé cette émission-là? C'est incroyable. Donc on est Aladdin, on a une petite épée pour se défendre. Ouais. Et notre vie, c'est la boucane qui sort la lampe. Ben oui. Donc, plus le fil de fumée est petit, moins il nous reste de vie. Ouais. On lance des pommes aussi. Donc, on a une épée, mais on peut aussi lancer des pommes au méchant. Lancer des pommes, ça a bien de sens. Ouais, c'est ça. Et on a le fameux visage d'Aladin, et là, c'est son nombre de vie. Donc, on parcourt les niveaux. C'est encore une fois du gauche à droite, terminer le niveau. Mmh. Évidemment, on suit les étapes du film. Donc là, ce niveau-là, c'est quand il essaie de s'échapper au début du film, où il se fait traiter de va-nu-pied et toutes ces choses-là. Donc, les connaisseurs vont sûrement être plus mieux repérés. Ouais, parce que je pense que j'ai pas écouté ça depuis que j'étais au primaire, ben ces films-là. Mais comme bon. Comme tout le monde. C'est, contrairement aux autres jeux, c'est un jeu avec beaucoup de Easter eggs. Donc, je vais en défiler quelques-uns. OK. Sauf que là-bas, c'est plus du poulet au beurre, je pense. Oh, qui appelle ça. OK, ouais. Enfin, je sais pas. Je sais même pas c'est où que ça se passe, Disney. À Disney, ah. Aladdin. Ça se passe où, Aladdin? En Égypte? Non. Tu vois? Oh. Tu vois, je m'en vais. En Inde? Pas. Ben, moi, je pensais que c'était en Inde, ça, j'ai dit du poulet au beurre. C'est en Inde. C'est en Inde? Ouais, je viens juste de replacer le palais, puis c'est en Inde. Fait qu'on prise 2. Ah, et moi, je pense que c'est plus du poulet au beurre. Comme en Inde. Oh. Voilà. Ouais. On coupe le reste au montage. C'est correct. Ah, dans Rockin' Sketch, je pensais à ça. Vu qu'on parcourt New York, il y a un niveau qui se fait dans le métro, okay, ou le Subway. Ouais. Puis j'ai comme eu un flash, parce que Subway, ici, on associe ça beaucoup avec le restaurant les Subway. Sous-marins, ouais. Ouais, c'est ça. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'un métro qui passe sous un cours d'eau, on peut quand même utiliser l'expression sous-marin? Oh, hey! Je vais continuer avec Aladdin. Oui, s'il te plaît. Dans le niveau Palace Dungeon, il y a des têtes de Mickey Mouse de cachées dans le fond d'écran. Ouais. OK. C'est les deux à dîner encore une fois. Oui, en plein ça. Donc, dans le niveau Inside the Lamp, quand on est dans la lampe magique, il y a plusieurs consoles de Genesis de cachées dans le fond d'écran. Cool. On les voit assez bien. Mais pas juste dans la version de Genesis, j'imagine. Oui. Ouais. Oui. Dans le niveau du désert, il y a des cordes à linge et sur l'une d'elles, il y a un casque de Mickey Mouse qui est accroché. OK. En train de sécher. Ouais. Et puis, si vous allez en dessous, eh bien là, vous allez entendre un son particulier puis il y a une vie qui va apparaître. Ah! Des cordes à linge, des cordes à la dinge. Ouais. Oh. Dans le niveau Palace Dungeon, vous pouvez voir Sébastien, le personnage de la petite sirène en fond d'écran aussi. OK. Donc encore des affaires de Disney. C'est le crabe. Je pense que c'est le crabe, oui. Oui, je suis pas un expert de la petite sirène, mais me semble que c'est le crabe. Je suis pas un expert des fruits de mer, clairement, parce que je sais pas si c'est un crabe ou... C'est pas grave, j'espère. On va comprendre avec crabe. Passe au suivant. Dans le niveau du désert, il y a sur un des totems, il y a une photo de Goofy, okay, le chien de le compagne de Mickey Mouse. Ouais, ouais. Ah. Donc c'est ça. Coudon, ils sont gâtés. Ils sont vraiment gâtés. Ouais. Alors le jeu se joue très bien. Difficile, je suis plus capable de faire le tour. Ah. Je le faisais quand j'avais 5-6 ans. Et là, j'essaie, puis au milieu du jeu, je suis capable. Ah, puis t'essaies, t'abandonnes. En fait, c'est un niveau qui me bloque carrément. Okay. Quand Aladdin va chercher la lampe et que là, l'intérieur se met à devenir volcanique, puis que là, c'est l'apocalypse, okay, ben là, il s'échappe sur le tapis volant. Ouais. Et ben dans le jeu, il y a ce niveau-là. Donc là, on est sur le tapis volant. Et là, il t'indique une flèche haut ou bas pour éviter les obstacles. Et ça va de plus en plus vite, plus t'avances dans le niveau. Mais je sais pas, ils ont décidé de pousser ça à une vitesse, là. Extrême. J'ai même pas le temps de voir le flash apparaître que j'ai déjà l'objet au visage. Oh, ouais. Là, je me dis, je faisais comment à 4-5 ans pour... Tu sais que tu l'as fini quand t'étais jeune? Oui. Oh, ouais. Oui, j'ai fait le tour plusieurs fois quand j'étais jeune. Wow. Et là, je suis incapable de passer ce niveau-là. Ah, ben. Ouais, donc c'est ça, il me reste peut-être un 3 niveaux après à réussir, que je sais que je suis capable de faire, parce que j'ai un code pour sauter les niveaux. Ouais, fait que tu peux sauter puis le terminer si tu veux. Mais, honnêtement, je suis pas capable de dépasser ce niveau-là. Ouais. Donc, techniquement, je suis bloqué là. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Eh ben. Mais c'est ça, le jeu se joue très bien. C'est divertissant. Ils ont mis beaucoup d'humour là-dedans pour respecter Disney. Alors, un 8.5 sur 10, ça aussi. Hey, à date, 8.5, 8.0, 8.5. Ouais, mais il y aura pas de mauvais jeu, je te dirais. Il y aura rien en bas de 8, là? Non. Annonce ça de même. Je t'annonce ça de même, il y aura rien en bas de 8. Ouais, ça a bien tombé. Mes parents ont été bons dans l'achat de leur jeu. Ouais. Dernier jeu qui me reste, Cheeky Cheeky Boys. C'est quoi ça, là? Je connais pas ça, comment ça? Ou Mega Twins. Donc, c'est ça, dépendant, il était sorti sur quelle console, le nom du jeu peut varier. À date, mais... du côté de Genesis, peut-être que c'est pour ça que j'y connais moins, mais pourtant... Mais ça se peut. En tout cas, je sais pas. Mais un autre jeu que je te conseille fortement, c'est un jeu de Capcom, okay, qui est sorti en 1992. Mm-hmm. Comment il s'appelle, déjà? Chicky Chicky Boys. Comment c'est écrit, déjà, ça? Ben, Chicky. Ouais, okay. C-H-I-K-I. Okay. Chicky Boys. Ah. Ouais. Ah. J'aurais jamais deviné, ça. J'aurais mis cheeky comme C-H-E-E-K-Y comme l'adjectif, là. Mais ouais, ok, je comprends ton point d'interrogation. Ouais, c'est ça. Oh. Donc, l'objectif du jeu, c'est de reprendre contrôle du royaume Aluera qui a été attaqué par un monstre. Les seuls survivants, les fils jumeaux du roi, ont des habiletés au combat et doivent reconquérir leur royaume, même s'ils sont âgés de 15 ans. Ah. Ouais. Ils ont l'air plus jeunes que ça, je trouve. Oui. Oui. La rumeur veut que ramener les deux yeux bleus du dragon ramènera le royaume comme il était. Ouais. Donc là, on a deux personnages avec lesquels on peut jouer. OK? Donc, il y a le personnage rouge et le personnage bleu. Le personnage rouge a des habiletés à l'épée. Donc, chaque coup d'épée qu'il donne fait plus de dégâts. Mais il y a moins de sorts. Donc, il peut utiliser seulement 3 sortilèges par niveau. Évidemment, on peut en ramasser, on peut en acheter après. Par contre, son frère, lui, le bleu, est-ce que je suis en train de les mélanger, moi, là? Ah, là? C'est ça, des jumeaux, hein? Oui, c'est ça. Oui. Bref, donc le bleu, lui, a 5 sortilèges, mais quand il donne un coup d'épée, ça fait moins de dégâts aux ennemis. Ouais. OK, donc c'est ça la différence entre les deux. Je complète bien les deux. C'est ça. Donc, dépendant avec lequel que vous êtes le plus à l'aise, si vous préférez utiliser les coups d'épée ou les sortilèges, ben vous choisissez votre personnage en fonction de ça. Et à quelle fréquence est-ce que tu peux changer? Est-ce que c'est comme dans Mario 2? T'en choisis un et tu fais le jeu avec. Ah, ben, c'est ça. Ouais. Que je craignais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est au départ, il faut choisir. Ouais. C'est ça. Donc, si on regarde l'image du jeu. Oui. Donc on voit le personnage ici qui est au début du premier niveau. Donc ça donne une idée des décors qui sont présentés. C'est le type d'ennemis qu'il y a. Très enfantin comme décor, très coloré. Oui, on donne les coups d'épée. La seule animation qu'il y a, c'est le mouvement du bras. OK, on s'entend là, donc le reste bouge pas. Ouais. Ben les pieds vont bouger quand vous avancez, mais c'est tout. Donc c'est très statique. Évidemment, on a la vie, la barre bleue. Ensuite, on a un pointage. Donc ça, on peut tout le temps améliorer notre pointage. Okay. Ce que je trouve très bien. Ouais. Ensuite, on a des pièces de monnaie qu'on peut ramasser. Et ça nous permet, en chaque niveau, d'acheter d'autres objets. Okay. On peut améliorer notre épée, améliorer notre bouclier pour avoir plus de vie. On peut acheter des sortilèges. On peut s'acheter de la vie. Donc ça, on peut s'acheter une vie aussi. On a seulement 2 vies dans le jeu. Get a life, t'sais. Ouais, c'est ça. Come on, get a life. Et le petit coquillage, c'est un sortilège. Dans le coin, oui, ok, j'allais dire une noix de loin, mais ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, lui, il reste juste un sortilège sur l'image. Okay. Donc, c'est ça. De manière que ça fonctionne, le jeu se déroule en 5 chapitres. Le chapitre 1, c'est la Terre. Chapitre 2, c'est le paradis. Et le chapitre 3, c'est le sous-marin. Ah, sous-marin. Donc, on est sous l'eau. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit aller rencontrer les 3 dieux. De chaque donc c'est les entités qui contrôlent ce monde-là. Et on parcourt tout le niveau et à la fin on arrive et on rencontre la personne et là il nous donne un objet. Quand on a les 3 objets, on débloque le chapitre 4 qui est divisé en 5 niveaux. Et là ça c'est le chemin pour se rendre jusqu'au château du méchant. Et là ça c'est des niveaux beaucoup plus difficiles. Les trophées, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, après ça il faut suivre l'ordre. À la Mega Man un peu. Exactement. Ouais. Donc c'est ça, une fois qu'on a terminé le chapitre 4, on réussit à vaincre le méchant qui a détruit le royaume. Et on peut trouver aussi dans ce château-là, on peut trouver le premier œil du dragon. OK? Mais il est bien caché. Ça m'a pris 12 ans à le trouver. C'est pas des blagues. Non-stop. Et puis je l'ai trouvé par hasard. Tous les jours tu jouais. Non, on se calme, pas à ce point-là. Donc j'ai toujours fait le tour quand j'étais jeune, pas à 100%. Ouais. Je réussissais pas la vraie quête du jeu. Et il te donne le pourcentage? Non. Non. Non, mais okay. Dans le sens que je faisais juste l'histoire, mais je faisais pas la quête secondaire. OK. Donc c'est ça. Et après ça, on retourne au royaume et là le méchant revient encore une fois nous attaquer. Ils reviennent toujours, les méchants. Oui, et quand on le bat là, on a le deuxième œil. Donc lui on l'a tout le temps, peu importe. Okay. C'est le premier qu'il faut vraiment savoir où. Et là tu viens de dire il était dans quel chapitre? Mais je vais laisser les gens qui seraient intéressés à trouver où. parce que puis moi c'est un peu hasard si je l'ai trouvé. Ah ouais, hein. J'ai même je savais même pas qu'il y en avait un deuxième. OK. J'ai trop pensé parce moi que dis pas, ça non, c'est juste Yolande le dragon. Et quand qu'on le débloque, ben là ça débloque une deuxième cinématique que j'avais jamais vue, ah. Que j'ai trouvé seulement il y a quelques années. Une cinématique sûrement pas très évoluée quand même, c'est du texte quoi, en fait si photos, si, si vous faites si vous avez tendance à être épileptique, ne regardez pas cette cinématique là. Okay. C'est un flash bleu et rouge, ouais. Qui arrête pas. Wow. Avec le dragon qui monte. OK. Et le dragon est blanc donc c'est très bizarre à travers ces flashs de couleurs là. Ouais. Mais c'est pas grave, moi je suis correct donc. Donc ça, le jeu est excellent, il se joue à merveille. On peut acheter des armes, s'améliorer, on peut essayer de battre notre pointage précédent. Donc ça, c'est un gros 9 sur 10. Je me tanne jamais de jouer. Et le j'ai mis un lien aussi de moi qui fait le tour à 100%. Cool. Et j'achète tous les objets. Donc j'ai toutes les meilleures armes, meilleurs boucliers. Donc 35 minutes que ça me prend. Malade. Ça aussi, ça va très vite. Et les deux autres liens, ben là, ça, c'est d'autres gens de YouTube que je ne connais pas. Mais qui font le tour des deux autres jeux dont j'ai parlé aussi. Celui de Rockin' Cats et Aladdin. Exactement. Donc là, vous avez le jeu au complet s'il y a des gens qui veulent aller voir. Super. Alors voilà, c'est ce qui complète ma chronique de vieux jeux. Très bon concept, très bien exécuté comme toujours. Ben, merci beaucoup. J'aime les petits grab bags, là, les mélanges de remix de plein d'affaires en même temps dans la même chronique. J'aime ça, je trouve ça cool. Samuel Girard, on te retrouve à Génie en Liberté les jeudis matins. Oui, demain matin, fidèle au poste. À 9h30, oui. Position sur un paquet de sujets, entre autres politiques, mais vraiment plein de choses. Ça va être très varié. C'est un mix, ça aussi. Oui, c'est un mix. On aime ça, les mix. Voilà. Merci, Samuel Girard. Ça fait plaisir. Bonne journée. À dans deux semaines. Oui, à dans deux semaines. Oui. Nous, on va se laisser quelques instants avec la trame sonore de Cheeky Cheeky Boys sur Sega Mega Drive ou Sega Genesis, dépendant de votre région. Puis on se retrouve après la pause au Mathieu Plancho. We'll be right back. C'était la trottinette de Cheeky Cheeky Boys au Sega Genesis. Au Mathieu Planche Show sur C'est Fou. Alors voilà pour Cheeky Cheeky Boys. Retrouvez le reste de la trame sonore en cherchant sur YouTube Cheeky Cheeky Boys, C-H-I-K-I. Voilà. On arrive à la première chronique de ma part. Aujourd'hui, voici Television Television. C'est Television Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou ailleurs. Évidemment, les nouvelles québécoises, j'essaie d'en parler le moins possible parce que, bon, tout le monde va le savoir là, que Stéphane Bellavance va animer une quotidienne à Radio-Canada cet été. C'est un peu trop connu comme nouvelle. J'étais pas sûr, tu sais. Guylaine Tremblay, OK, jusque-là, Guylaine Tremblay, tout le monde la connaît, c'est mainstream. Elle va devenir animatrice à Télé-Québec. Je me dis que je vais en parler. T'sais. Donc, la comédienne Guylaine Tremblay d'Unité 9 ajoute une corde à son arc en acceptant l'animation d'un nouveau magazine social qui sera diffusé par Télé-Québec à compter de septembre prochain. Ce que l'article dit pas, c'est qu'elle animait le studio avec Bruno Blanchet dans le temps, puis ça aussi, c'est un magazine social. Le rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes est produit par Pamplemousse Média, la boîte de France Baudouin et de Nancy Charest qui propose déjà Dis-moi tout à la même antenne. Dans un communiqué, Télé-Québec a précisé que tous les sujets de société pourront figurer au menu de cette émission, dont le mandat sera de soulever des questions et de déboulonner les mythes. Le diffuseur public mise sur les échanges et sur les discussions avec des personnes touchées par les enjeux traités. Des collaborateurs et des experts épauleront Guylaine Tremblay dans ce nouveau défi. Justement, parlant de Télé-Québec qui s'ajoute à un magazine avec Guylaine Tremblay, il a fallu qu'on compense en enlevant une autre émission des ondes et c'est une petite granule, voilà. Et l'émission aussi pour le plaisir à Radio-Canada qui sont retirées des ondes. Donc, on nous dit dans la presse, durer 8 et 11 ans en télévision, c'est déjà un exploit. C'était le cas pour le plaisir et une pilule, une petite granule, toutes deux annulées par leur diffuseur. Après 8 ans à égayer les midis de Radio-Canada, pour le plaisir, France Castel et Michel Barrette vont tirer leur révérence le jeudi 16 avril. Le diffuseur considère qu'il est temps de proposer une nouvelle formule aux téléspectateurs. On aurait pu leur proposer une nouvelle formule de cette même émission-là avec les mêmes animateurs, mais on a décidé de changer complètement de gens pour probablement des gens plus jeunes. Diffusé du lundi au vendredi à 12h30, pour le plaisir, avait été réduite à 4 diffusions par semaine au lieu de 5. Il y avait une reprise le vendredi. L'émission a fêté récemment sa 1000e. En moyenne, 118 000 téléspectateurs. Autre départ, et c'est à Télé-Québec, c'est le magazine Une pilule, une petite granule qui va disparaître des ondes après 11 ans à l'antenne de Télé-Québec. Une émission qui faisait œuvre utile et qui cadrait parfaitement dans le mandat du diffuseur public, nous dit la presse. Le docteur Fortin, c'est ça, avait animé la première saison et le docteur Georges Lévesque, qui était depuis 2005 avec Marie-Hélène Proux. Le magazine trouvait son titre dans une chanson du groupe Mes Aïeux, évidemment. Les magazines qui abordent expressément le domaine de la santé se font rares. Radio-Canada a mis fin au docteur il y a 2 ans et à Télé-Québec, on confirme qu'un autre projet d'émission sur la santé est observé actuellement. La saison va prendre fin le 26 mars. Maintenant, au Canada anglais, CBC commande une version anglaise de la série Nouvelle Adresse. La télésérie Nouvelle Adresse, diffusée depuis l'automne à Radio-Canada, aura pignon sur rue à la télévision anglaise, diffuseur public. CBC a annoncé mardi qu'elle avait commandé une version anglaise de la télésérie qui doit prendre l'antenne dès l'automne. Le tournage des 10 épisodes de New Address doit débuter cet été à Montréal. On ignore pour l'instant qui interprétera le rôle de la journaliste quarantenaire Nathalie Lawson, mère monoparentale de 3 enfants qui doit lutter contre un cancer. Dans la version d'origine, elle porte pas le même nom, c'est La Pointe, au Québec. New Address sera produite par la même maison montréalaise qui a donné la version française, Sphère Media Plus. C'est cette même maison qui avait aussi produit la version anglaise, en fait, qui a produit encore la version anglaise du succès 19-2, mais encore celle d'autres séries québécoises comme Sophie, qui était basée sur les hauts et les bas là, de Sophie Paquin, et Bad Karma. Pour Mauvais Karma. La première saison de la version anglaise de 19-2 a obtenu 10 nominations pour les prix Écran canadiens cette année, notamment dans les catégories Meilleure série et Meilleure réalisation. La deuxième saison est diffusée cet hiver sur Bravo. Le président fondateur de Sphère Média Plus, Jocelyn Deschaines, s'est réjoui de pouvoir offrir la série aux téléspectateurs de CBC, bien sûr. C'est lui aussi qui avait fait... c'est le même auteur, Nouvelle Adresse, que c'était... Sophie Paquin, je crois, c'est ça. Mais ils ont aussi fait Rumeurs en anglais de Radio-Canada. Donc ça a été pas mal des flops. Sophie et Rumeurs n'avaient pas fonctionné du tout. Mais en ce moment, 19-2 fonctionne, donc ça pourrait donner un autre succès avec New Address. Les exploits de Rob Ford semblaient parfois avoir été dictés par quelques scénaristes tordus de Hollywood, nous dit la presse canadienne. Et ben, il semble que l'ex-maire de Toronto ait inspiré un épisode de la nouvelle télésérie de CBS Battle Creek qui mettra en vedette un maire doué pour la fête et les drogues, mais beaucoup moins pour la gestion de crise. Cette comédie met en scène deux policiers mal assortis, Josh Duhamel qui joue là-dedans et Dean Winters, qui sont constamment à couteau tiré sur tout et sur rien. Dans le sixième épisode, le comédien Patton Oswalt fait son apparition dans le rôle d'un maire consommateur de drogue et dont la carrière est gérée par son dominateur de frères. L'acteur Duhamel fait remonter le clin d'œil jusqu'au co-créateur de la série David Shore, un Torontois. Né à London, en Ontario, il a connu beaucoup de succès avec sa série House. Pour Battle Creek, il fait équipe avec un autre magicien des téléséries, c'est Vince Gilligan, qui est créateur notamment de Breaking Bad et de Better Call Saul, son dérivé. Dean Winters, qui joue l'un des deux policiers, espère que Rob Ford, toujours conseiller municipal de Toronto, saura prendre le clin d'œil pour ce qu'il est, c'est-à-dire un hommage. Le premier épisode de Battle Creek sera diffusé sur les ondes de CBS dimanche et sur le réseau Global au Canada. C'est dimanche qui s'en vient. Vous avez pas encore manqué ça. Les amateurs d'aventure et d'automobiles vont être heureux d'entendre que Discovery World change de nom pour Discovery Velocity. Discovery World donc change d'identité pour devenir Discovery Velocity et pour permettre à tous les amateurs de découvrir sa nouvelle programmation, la chaîne sera en débrouillage à travers le pays jusqu'au 31 mars. Seule destination au pays proposant un éventail de programmation liée aux automobiles, la chaîne diffusera plusieurs émissions sur le sujet telles que Barrett Jackson, Fast and Loud et Wheeler Dealers, ainsi que des classiques de la chaîne Discovery comme Vegas Rat Rods. La programmation sur le monde automobile s'ajoutera aux émissions sur le voyage, la survie et la culture autour du monde de la chaîne. C'est sur discoveryvelocity.ca qu'on peut avoir plus d'informations. Actuellement en cours de diffusion aux États-Unis, la sixième saison de Modern Family, famille moderne, s'offre un épisode tourné de manière inédite, uniquement à travers des logiciels Apple présents sur les machines de la marque. Un méchant coup de pub de la part d'Apple, bien sûr. Diffusé avec un succès depuis 2009, Modern Family, comme beaucoup d'autres, cherche des pistes originales pour renouveler sa démarche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme, diffusé en... a trouvé moyen de faire parler de lui au-delà de la sphère télévisuelle. Voilà. En s'alliant à la marque Apple, dans l'épisode qui va être diffusé le 25 février, ce soir, aux États-Unis, nommé Connection perdue. L'une des protagonistes de la série est coincée à l'aéroport et communique avec ses proches à l'aide de son MacBook Pro. FaceTime, Facebook, Message, l'écran est vite submergé de logiciels et les personnages se succèdent à l'écran d'ordinateur. C'est pas mal ça, c'est un petit épisode bien normal, mais réalisation complexe. Réalisé en octobre dernier, l'épisode a demandé de nombreux réajustements avant sa diffusion. Tourné à l'aide de iPhone 6, de la nouvelle génération d'iPad et de MacBook Pro, l'épisode s'est montré plus compliqué que prévu à tourner car les acteurs avaient du mal à se concentrer à la fois sur leur texte et sur la manière de tenir leur appareil. L'idée de tourner des plans-séquences de conversation a été abandonnée pour cette raison, mais également parce que la qualité du son et de l'image aurait été insuffisante pour la diffusion. Un gros travail donc de post-production a été nécessaire pour mettre les plans en forme, incluant en passage une reproduction manuelle de l'interface de Yosemite, le plus récent système d'exploitation de Apple. Au fil des mois, Apple a amélioré l'interface de son système utilisé en version bêta pour la production qui a effectué des mises à niveau progressives. La production s'est alliée à John Brown, un spécialiste de ce genre de réalisation. Il a notamment travaillé sur des publicités pour Google. C'est pas la première fois que les produits Apple sont visités dans Modern Family. En 2010, l'iPad avait été à l'honneur dans un épisode dans lequel le personnage de Phil Dunphy se montrait très affectueux avec sa tablette. La firme de Cupertino est enthousiaste à l'idée que le programme utilise ses produits. Nous avons appelé et nous avons informé de ce que nous faisons. Ils ont adoré l'idée. Ils nous ont même fourni des iPhones. Explique le créateur à Recode. Apple n'a jamais été contre un placement de produits. Depuis plusieurs années, le site Brand Channel accorde la première marche du podium à l'entreprise en matière de placement de produits à la télévision et au cinéma, très loin devant Google et Coca-Cola. Voilà. Ça a l'air de l'épisode vraiment bien regardé. Je trouve ça cool en plus de savoir que ça n'a pas été fait littéralement finalement avec des iPhones. C'est des caméras de télé qui émulent l'effet que donne un iPhone. Et ensuite, on a reproduit ça en post-production. C'est quand même beaucoup de travail. Mike Castellucci de la station de télé WFAA a filmé toute une émission complète nommée Mike Castellucci's Phoning It In sur son iPhone. On reste dans le même domaine. Donc, pendant l'émission, Castellucci a fait la blague qu'il faisait perdre l'emploi de son caméraman avec une caméra à 50 000 $, une caméra HD. Mais quand même, ça donne un bel aspect. Castellucci dit à TV Spy qu'il a filmé tout ça lui-même avec un petit trépied, un truc à succion pour coller ça sur une voiture, par exemple. Et pour environ 90% du temps, il utilisait un holoclip, un attachement avec un angle large qui coûte environ 50 $ pour son téléphone cellulaire. Donc allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com, quand même intéressant, comme peut-être pour vous montrer de quoi ça pourrait avoir l'air dans le futur, les émissions de télé. Un peu comme les journaux, que c'est les journalistes qui prennent leurs photos avec leur téléphone cellulaire. Peut-être que les émissions de télé vont être filmées comme ça, si les caméras s'améliorent encore. A&E apparemment ramène Unforgettable pour une quatrième saison. A&E est en train de finaliser l'offre pour ramasser la série de CBS Unforgettable pour une saison 4 selon Deadline. Les vedettes Poppy Montgomery et Dylan Walsh devraient revenir pour les 13 épisodes. Les créateurs de la série John Belushi, pas le John Belushi, mais Belushi, et Ed Redlick sont aussi de retour comme producteurs exécutifs. Unforgettable a été retiré par CBS en mai 2012 après sa première saison. Et ensuite, surprenamment, ils l'ont ramené pour deux autres saisons avant d'encore une fois la retirer en octobre 2014. Donc ça pourrait revenir sur A&E. Les convictions de George Clooney au service de la télé. On a déjà parlé de George Clooney dans les dernières semaines pour un autre projet. Donc George Clooney étend son terrain de jeu au petit écran. Après un projet sur l'industrie du cinéma qu'il destine à Showtime, de ce qu'on parlait dans le passé, l'acteur s'associe désormais à HBO pour une mini-série centrée sur une icône féministe du journalisme des années 70. George Clooney est un artiste et un citoyen qui n'hésite pas à afficher ses combats politiques. L'acteur se sert d'ailleurs de son influence à Hollywood pour véhiculer ses idées à travers ses films. Bonsoir et bonne chance, dénonçait l'Amérique mccartiste des années 1950. Syriana évoquait les intérêts pétroliers des États-Unis. Les marges du pouvoir rentraient quant à lui dans les coulisses d'une campagne électorale présidentielle. Ses convictions lui servent désormais pour la télévision. Pour HBO, il produira Miss, une mini-série qui mettra en lumière un autre combat, celui de Gloria Steinem, journaliste et activiste engagée pour les droits des femmes dans les années 70. Cette porte-parole féministe a mené sa bataille avec la création du magazine Miss, dont le téléspectateur suivra le quotidien, et Miss c'est MS. Pour incarner cette icône féminine, HBO et George Clooney ont porté leur choix sur Marissa Tomei, actrice qui a décroché en 93 un Oscar pour son rôle, son second rôle dans le film Mon cousin Vinny. L'Américaine retrouvera George Clooney qui l'avait dirigé dans Les marches du pouvoir, où elle incarnait déjà une journaliste. Depuis son départ de Salle d'urgence, série qui l'a propulsé au rang de star dans les années 90, l'acteur a évité le petit écran, se concentrant sur une carrière au cinéma. Maintenant, parlons de quelques séries web. Une nouvelle série humoristique dont l'action se déroulera dans l'univers des garderies sera mise en ligne à compter du 31 mars sur Tout.tv. Écrite par les humoristes Michael Gouin et Adib Al-Khalidé et réalisée par Sébastien Gagné, la série intitulée 7$ par jour explorera l'univers de l'éducation à l'enfance avec des thèmes comme l'argent, l'intégration ou l'intimidation. Gouin et Al-Khalidé interpréteront deux éducateurs à la maturité réduite et aux méthodes parfois douteuses, nous dit cet article de la presse canadienne. Louise Bombardier et Joël Paré-Beaulieu feront aussi partie du personnel de la garderie et six jeunes enfants donneront la réplique aux comédiens. La série comprendra 12 épisodes d'une durée de 5 à 6 minutes chacun. Les 6 premiers épisodes seront mis en ligne le 31 mars et la suite sera offerte le 15 avril. Le tournage de la série débutera le 23 février, donc c'est débuté depuis 2 jours, et se poursuivra jusqu'au 4 mars. On reste dans le web avec... On va voir si ça se charge. On reste dans le web avec une web série humoristique exclusive à vtele.ca. Encore une fois, des capsules de 4 à 5 minutes. Depuis hier sur vtele.ca, cette nouvelle web série humoristique, Nico vous mijote avec Nicolas Pinson, humoriste et comédien. La web série d'une durée de 4 à 5 minutes, ça veut une parodie culinaire autour de Nico, un acteur prêt à tout pour être à l'écran et faire mousser sa carrière, quitte à dire et à faire à peu près n'importe quoi pour rendre son émission branchée, cool et urbaine. Nico s'inspire de sa relation d'amitié avec ses invités, des vedettes québécoises connues, pour créer des recettes qu'il expérimente en leur compagnie. Or, ses recettes tombent souvent à plat et son attitude déplacée plonge immanquablement ses convives en position de malaise. Qu'à ça ne tienne, Nico s'acharne car il est convaincu de bien faire et rejette naïvement le blâme de ses échecs sur ses invités, quitte à les froisser. Donc, il y a Sylvain Marcel, Julie Le Breton, Laurent Paquin, Denis Paris, Edith Cochrane, Rémi-Pierre Paquin, Patrick Drolet et Joe Bocan. Une composition de Ten One, et Go Steve, l'idée originale de Nicolas Pinson, voilà. Donc ça s'appelle Nico vous mijote, évidemment avec le succès des recettes pompettes, des affaires comme ça, des genres de parodies émissions de cuisine, c'est normal que ça ait du succès. Bell va faire appel d'une décision du CRTC concernant la télémobile. On en parlait un petit peu la semaine passée, mais un des plus grands groupes de services de téléphonie mobile espère que les tribunaux infirmeront comme dans annulé. Une décision des autorités réglementaires canadiennes visant à favoriser une facturation plus juste des services de télévision mobile. Bell Mobilité qui a demandé à la Cour d'appel fédérale la permission de faire appel d'un jugement rendu le 29 janvier qui stipulait que le modèle de facturation de son application de télévision mobile était illégal. Bell Mobilité facture 5$ par mois pour le service télémobile qui permet à ses abonnés de visionner en continu jusqu'à 10 heures d'émission sur leur appareil mobile sans que ça soit comptabilisé sur leur forfait de données mensuel. Chaque heure additionnelle de visionnement coûte 3$. Mais si le contenu est visionné à partir d'une différente source, les données sont alors compilées dans le forfait des utilisateurs, ce qui peut les forcer à payer pour obtenir davantage de bandes passantes. Le CRTC a établi le mois dernier que ce modèle de facturation livrait d'une certaine façon une concurrence déloyale aux services de télévision mobile des autres fournisseurs en faisant grimper artificiellement leurs prix. Le CRTC a donné à Bell jusqu'au 29 avril pour éliminer cette pratique de facturation. Cependant, Bell a aussi demandé à un juge de la Cour fédérale d'émettre une injonction pour empêcher le CRTC de la forcer à apporter des changements avant que son appel puisse être entendu. Le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a indiqué le mois dernier que tous les fournisseurs de services mobiles devraient traiter de façon équivalente tous les contenus qui circulent sur leur réseau sans offrir de traitement préférentiel à leurs clients. Même si l'innovation, dans son expression la plus pure, devrait être applaudie, le CRTC interviendra lorsque le désir d'innovation enfreindra le principe d'un accès juste et ouvert au contenu, a expliqué M. Blais. De son côté, Bell Canada, BCE, donc, fait valoir que le télémobile est un service de diffusion et qu'il n'est conséquemment pas assujetti à la loi sur les télécommunications. Bell explique qu'il n'existe aucune preuve que le modèle de facturation nuit aux consommateurs. Le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Une nouvelle assez déprimante, c'est un documentaire à la télé qui va recréer le suicide de Robin Williams avec l'aide d'une porn star. Oui, un documentaire télé sur Robin Williams et ses derniers jours, son très tragique suicide l'an dernier. Et selon plusieurs personnes, plusieurs médias, le documentaire va mettre en vedette une récréation dramatique de son suicide. C'est le réseau de Grande-Bretagne, le réseau anglais Channel 5, qui va examiner la mort de Williams dans un futur épisode de sa série Autopsy, dans lequel des criminologues, pathologistes, quelque chose comme ça, réexaminent les morts tragiques de vedettes qui sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Selon le Daily Mail, le documentaire va recréer le suicide. La famille dit que c'est complètement grotesque et apparemment que Williams serait joué par une vedette de la porno, Alain Poulençon. Donc, une personne qui ressemble beaucoup à Robin Williams, qui des fois se fait nommer Alain Robin. Eh ben, que des rumeurs pour l'instant, on parle rarement de rumeurs, mais je trouvais que ça valait la peine d'en parler. On va suivre ça. Wesley Snipes qui tourne un pilote pour NBC maintenant. Wesley Snipes qui tourne donc pour NBC. La star américaine a rejoint la distribution du trailer Endgame, habitué au grand écran dans des super productions à l'image de la franchise des Sacrifiés. Wesley Snipes adaptera son jeu à un format plus réduit dans le cadre d'un pilote où est déjà engagé la star de Strike Back, Philip Winchester. Ce trailer scénarisé par John Rogers est centré sur un ancien sniper, bien à la mode les snipers avec truc le sniper américain, devenu le film des Oscars, devenu expert en sécurité. Le héros fait l'objet d'une conspiration l'obligeant à se surpasser et à sauver la vie d'innocents en réalisant une série de défis supervisés par le personnage joué par Wesley Snipes, le maître du jeu. On a entendu souvent parler de télé lente depuis quelque temps. On regardait de la slow TV dans différents pays. On montrait par exemple un paysage. Tu peux mettre ça en arrière-plan. T'sais, mettons ici au Québec, on a le feu qui crépite à la télé, t'as l'aquarium avec les poissons, etc., etc. Donc, le slow TV continue. C'est l'Associated Press qui fait des expériences un petit peu avec du live streaming pour les nouvelles, donc les breaking news, les nouvelles de dernière heure. Ils appellent ça du slow streaming. Non, ça veut pas dire qu'on va avoir besoin d'une connexion téléphonique pour voir ça. C'est juste que le stream n'aura pas d'animateur, pas de producteur, seulement un live feed, donc en temps réel. C'est disponible sur leur plateforme Video Hub, lancée en 2012. Et on dit que, ben, c'est ça, que ça vaut la peine de changer un petit peu la façon de faire les nouvelles. C'est une vision qu'ils ont. Quelque chose de gros arrive, on peut juste ouvrir le live feed et garder l'œil ouvert là-dessus à la place d'avoir un animateur qui répète la même chose aux 10 secondes comme sur CNN et les autres. Et on peut laisser des commentaires à la place sur Twitter et faire nous-mêmes notre propre conversation autour de la nouvelle à la place d'avoir des têtes parlantes, des talking heads, des marionnettes nous dire quoi penser sur les chaînes de nouvelles. Donc, c'est l'Associated Press. Voilà. Ensuite, on termine avec les codes d'écoute pour la semaine du 12 au 18 janvier 2015. Commençons par le Québec, comme toujours, position 15 à 6 en rafale. Donc, on va y aller rapidement. Nouvelle adresse, 1 sur 2. Spécial Bloopers, Mémoire Vive, au secours de Béatrice, Vlog, Les Enfants de la télé, L'Enseignante et Yamaska. En 5e place, Le Petit Méchon. En 4e, LOL. 3e, Les Beaux Malaises. 2e, Unité 9. Et en première place, c'est La Voix. Du côté du Canada anglais, 15 à 6, Book of Negroes, Elementary, Chicago Fire, Person of Interest, Marvel's Agent Carter, CTV Evening News, Forever, Hawaii Five-O, Blue Bloods et les finales de la NFL. En 5e, Criminal Minds. En 4e, NCIS New Orleans. En 3e, The Big Bang Theory. En 2e, Castle. Et en première, c'est NCIS. Voilà pour Television. Dans quelques instants, ce sera Merci Science. On parle entre autres de l'insuline intelligente qui ajuste la glycémie en temps réel dans Merci Science tout à l'heure. Mais avant ça, un habitué de l'émission, on l'écoute très souvent, c'est Motion Ride. Le voici avec Phantom Party. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. d'excentricité. 89.1. Garden of Wind par Sparky Rogers. Une très longue pièce, mais j'en écouterais 3-4 fois ça, là, facilement. C'est un remix de la pièce Gusty Garden dans Super Mario Galaxy, refaite sur un VRC6 Sound Chip. Toujours Mathieu Plante Show, c'est tellement le fun d'écouter du chiptune, mais on doit interrompre ça par ma voix qui gosse. Donc voici Merci Science. C'est Merci Science, chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Débutons avec le diabète. On remercie pas le diabète d'exister, bien sûr. Pour éviter les problèmes de mauvais dosage d'insuline, des scientifiques ont créé une insuline intelligente, ILS-PBA-F, qui s'active d'elle-même lorsque la glycémie augmente chez les diabétiques. Cette insuline modifiée, porte un acide phénylboronique sur lequel le sucre se fixe pour stimuler l'action de l'hormone. Le diabète de type 1 se développe lorsque les cellules bêta du pancréas qui produisent de l'insuline sont détruites. Les diabétiques doivent donc s'injecter quotidiennement de l'insuline pour survivre. Malgré les avancées de l'insulinothérapie avec les pompes à insuline ou le développement de différents types d'insuline, les patients souffrant de diabète doivent ajuster la quantité d'insuline nécessaire chaque jour. Or, ces besoins varient en fonction de nombreux facteurs, comme l'alimentation et l'activité physique. Une mauvaise évaluation de la dose injectée peut conduire à des états d'hyperglycémie avec un risque de complications à long terme, comme la cécité, les problèmes cardiaques ou encore d'hypoglycémie, pouvant entraîner un coma, voire un décès. Pour répondre à ce problème de dosage inadapté, il serait donc intéressant de disposer d'une insuline activée par la glycémie, sans intervention volontaire du patient. De telles insulines intelligentes sont en cours de développement. Certaines utilisent une sorte de barrière protéique, comme un gel, qui inhibe l'insuline quand le taux de sucre est bas, mais avec un risque que ces molécules biologiques provoquent une réponse immunitaire. L'insuline développée ici, baptisée INS-PBA-F, est chimiquement modifiée. Elle porte un domaine aliphatique. C'est écrit petit, ça, moi, je vous mets. Aliphatique, la vieillesse, hein? Qui facilite les interactions hydrophobes et la sensibilité au glucose grâce à un groupement d'acide phénylboronique, PBA, à une extrémité. Dans des conditions normales, cette insuline modifiée se lie à des protéines en circulation dans le sang, ce qui bloque son activité. Mais quand les niveaux de sucre s'élèvent, le glucose se lie au PBA, ce qui libère l'hormone et déclenche l'action de l'insuline. Dans une étude parue dans le PNAS, les chercheurs ont testé leur dérivée d'insuline in vivo dans un modèle de souris diabétique après un repas. Ils ont ainsi montré qu'une injection reste active pendant 14 heures. Durant cette période, l'insuline modifiée peut réduire de manière automatique et répéter le taux de glucose sanguin trop élevé qui est l'une des causes du diabète. L'administration du dérivé d'insuline restaure des niveaux de glucose après un repas plus rapidement qu'une insuline standard. Il serait même plus efficace pour réduire la glycémie que l'insuline détémir, commercialisée sous le nom de Levemir. C'est donc une première dans le domaine des insulines dites intelligentes. Cette hormone dérive d'une hormone naturelle et devrait pouvoir être utilisée sans danger, comme le sont d'autres dérivés d'insuline. La nacre des mollusques d'une grande dureté fait l'objet d'études pour la synthèse de matériaux bio-inspirés particulièrement résistants. Un groupe de chercheurs britanniques vient de montrer qu'il en était de même avec les dents de gastéropodes bien connues, les patelles. L'aéronautique et l'industrie automobile pourraient bénéficier de cette découverte. L'une des significations possibles du terme bionique renvoie à biologie et à technique, signifiant que l'on s'inspire de mécanismes et de structures repérés chez les êtres vivants pour créer de nouvelles techniques. Les résultats des travaux des chercheurs de l'Université de Portsmouth, publiés dans le journal Interface, relèvent précisément de ce domaine. En effet, il s'agit de tirer des enseignements, de l'étude et de la structure de dents de patelle pour fabriquer de nouveaux matériaux doués de propriétés mécaniques remarquables. Comme le montrent les exemples des matériaux composites et à base de fibres de carbone, l'industrie est toujours en demande de nouveaux matériaux plus légers et mécaniquement plus résistants pour fabriquer entre autres des avions et des voitures. Rappelons que les patelles sont diverses espèces de mollusques gastéropodes ayant généralement en commun une coquille de forme grossièrement conique et le fait de vivre sur les estrans rocheux sur lesquels elles se fixent de façon définitive. On parle de sessilité. Les chercheurs ont étudié à l'aide d'un microscope à force atomique la structure de leurs dents, une petite formation chitineuse très dure fixée sur la radula, un organe des mollusques qui ressemble à une langue. Ils ont mesuré de cette façon leur résistance à la rupture et ce matériau naturel pourrait être le plus résistant qu'on connaisse jusqu'à maintenant. La nature est une merveilleuse source d'inspiration pour les structures qui ont d'excellentes propriétés mécaniques. Toutes les choses que nous observons autour de nous, comme les arbres, les coquilles, les créatures de la mer et les dents de patelle étudiées dans ce travail, ont évolué pour être efficaces. Jusqu'à présent, nous pensions, l'auteur de cette découverte qui dit ça, que la soie d'araignée était le matériau biologique le plus résistant avec des applications potentielles allant des gilets pare-balles à l'électronique des ordinateurs, mais maintenant, nous avons découvert que les dents des patelles possèdent une résistance potentiellement plus élevée. Barber et ses collègues ont relié cette propriété à la présence de structures fibreuses formées de gueutite, incluses dans la matrice de chitine et qui croissent de pair avec l'animal. Des mots difficiles. Qui croissent, grandissent de pair avec l'animal en même temps. La gueutite est un minéral à base de fer connu depuis la préhistoire. Elle a été utilisée comme pigment dans la peinture de la grotte de Lascaux. Son nom rend hommage à l'écrivain romantique allemand Johann Wolfgang von Goethe, qui s'intéressait beaucoup aux sciences naturelles comme la minéralogie. Comme l'expliquent les chercheurs, il est possible de répliquer la structure et la taille bien particulière des fibres de gueutite et de s'en inspirer pour créer des matériaux particulièrement résistants. Remarquablement, les propriétés mécaniques de dents de patelle ne semblent pas dépendre de leur taille, ce qui est assez inhabituel. Le plus souvent, un bloc de matériau de grande taille est moins résistant à la rupture lorsqu'il est soumis à des tractions qu'un bloc de plus petite taille. Une étude scientifique chez la souris vient de montrer que l'inhalation à haute dose de vapeur de cigarettes électroniques augmente la sensibilité aux infections respiratoires et libère des radicaux libres. Pas de quoi se remettre à fumer du tabac pour qu'il y ait arrêté, mais l'innocuité totale reste donc à prouver. À l'université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis, le professeur Thomas Sussin et son équipe ont voulu savoir si les souris exposées aux vapeurs de cigarettes électroniques étaient ou non plus sensibles aux infections respiratoires. Pour le savoir, ils ont disposé un premier groupe de rongeurs dans une chambre d'inhalation. Les animaux ont respiré des vapeurs de cigarettes électroniques durant 2 semaines à des niveaux, semble-t-il, équivalents à ceux d'une exposition humaine. Dans le second groupe, les souris respiraient l'air libre. Pour mesurer la vulnérabilité aux infections, les scientifiques ont divisé chacun des deux groupes en 3 sous-groupes. Dans le premier, les souris ont reçu par voie nasale des gouttes renfermant une bactérie, Streptococcus pneumoniae, à l'origine de pneumonie et de sinusite. Dans le second, elles ont été exposées à un virus grippal de type A. Dans le troisième, elles n'ont reçu ni bactéries ni virus. Les résultats sont disponibles dans la revue PLOS ONE. Au final, les chercheurs ont observé que les souris qui avaient respiré des vapeurs de cigarettes électroniques étaient bien plus sensibles aux infections. Je cite, les émanations inhibent la capacité des souris à combattre les infections virales ou bactériennes qui viennent se nicher dans leurs poumons. Les auteurs montrent que ces vapeurs dégagent des radicaux libres, autrement dit des substances toxiques susceptibles d'altérer l'ADN. Leur présence a surpris les scientifiques étant donné qu'elles sont semblables à celles présentes dans les émanations de cigarettes classiques. Je cite, ces radicaux libres sont toutefois 100 fois moins nombreux dans les cigarettes électroniques, mais ils sont quand même suffisamment nombreux pour endommager les cellules. Des chercheurs du CNRS et du CHRU de Besançon ont fait passer des tests précliniques à un robot endoscopique mis au point dans le cadre d'un projet européen. Ce prototype, encore au stade expérimental, pourrait favoriser la microchirurgie des cordes vocales. La chirurgie des cordes vocales concerne les lésions cancéreuses essentiellement liées au tabac, donc on reste dans le domaine, hein, de plus en plus souvent des lésions bénignes chez les personnes qui sollicitent beaucoup leur voix aussi. Pour garantir la préservation de la voix du patient, elle nécessite une précision de l'ordre de 50 à 100 micromètres, qui est environ le diamètre d'un cheveu. Or, à l'heure actuelle, la chirurgie utilise un laser dont la source est située à 40 cm de la bouche du patient, ce qui limite sa maniabilité et la précision du geste. Par ailleurs, le chirurgien opère à travers un microscope et le tissu à traiter doit donc être dans le champ de visée, ce qui implique une position très inconfortable pour le patient, source de douleurs cervicales post-opératoires. Pour pallier ces inconvénients, le projet européen MicroRALP, donc le signe micro, puis RALP, porté par l'Institut italien des technologies qui associe entre autres l'Institut FemtoST et le CHRU de Besançon, développe un robot dédié à la chirurgie assistée des cordes vocales. Ce nouveau dispositif consiste en un endoscope flexible qui permet de visualiser les cordes vocales et d'amener la source laser à l'intérieur du patient, à 20 mm de sa cible. Véritable défi microtechnique, l'endoscope proposé embarque des éclairages en lumière froide, 2 caméras miniatures pour assurer une vision en 3D, un laser chirurgical doublé d'un laser qui fait office de pointeur pour le chirurgien, et enfin le micro-robot de 1 cm cube qui va, grâce aux images fournies par les caméras, guider ses lasers le long de la trajectoire de référence dessinée par le chirurgien directement dans l'image à l'aide d'une tablette tactile. Grâce à une technique de fluorescence, des filtres aideront à déterminer s'il existe une zone cancéreuse au niveau de la lésion et augmenteront la précision du geste. Avec ce nouveau procédé, le chirurgien devrait obtenir une précision de l'ordre d'une centaine de micromètres. Après de nombreuses étapes techniques de recherche et de développement, des essais précliniques sont effectués sur des cadavres à l'Institut d'anatomie de l'Université de Franche-Comté pour la validation du concept du prototype actuel. Les essais de ce jour portent sur l'insertion de l'endoscope, la visualisation 3D, l'ergonomie du poste de travail et le guidage laser. À terme, ce dispositif médical apportera une véritable valeur ajoutée à la phonochirurgie, la chirurgie de la voix. En outre, la chirurgie de la voix. J'enlèverai tous les juges pour commencer. En outre, les dispositifs conçus dans le cadre du projet MicroRALP pourront être utilisés dans d'autres systèmes robotiques chirurgicaux. Ainsi, l'Institut FemtoST et le CHRU travaillent déjà à la conception d'un endoscope pour la microchirurgie laser du tube digestif. Et finalement, on en parlait en introduction de l'émission, c'est un petit robot qui aide à faire avaler la pilule aux enfants. L'hôpital pour enfants de l'Alberta à Calgary a trouvé une nouvelle façon d'apporter du réconfort aux enfants qui reçoivent des soins médicaux. L'institution s'est dotée de 4 robots multifonctionnels servant à leur changer les idées. Les robots parlent 20 langues, dansent, chantent et jouent à des jeux, mais surtout, ils aident les enfants à se calmer lorsqu'ils reçoivent des injections. Ça manque de jeux de mots. Le robot devrait faire des jeux de mots. Une étude menée par Service de Santé Canada, Alberta, AHS, et l'Université de Calgary montre que les enfants accompagnés d'un robot lors du vaccin ressentent moins la douleur que les autres. Une professeure de l'Université de Calgary et entrepreneuse Tania Barron s'est inspirée de l'usage de la technologie parmi les jeunes pour créer le robot intitulé MIDI pour Medicine and Engineering Designing Intelligence. Elle croit que ce nouvel instrument rendra le système de santé plus efficace et diminuera le risque d'épuisement professionnel chez les infirmières qui travaillent avec les enfants. L'hôpital pour enfants de Toronto envisage lui aussi d'investir dans cet équipement qui vaut de 15 à 20 000 $ pour son département d'oncologie. Un article de Radio Canada. Voilà pour Merci Science. Les liens sur assemblagerequis.com. Il reste encore CNX dans quelques instants. Alors on va faire un petit blitz de CNX parce qu'il nous reste 4 pièces à entendre dans notre série en concert. DKC Mixed 894. Mais avant ça, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc retournons en chiptune. On était rendu à Mills DJ, un autre habitué. Tantôt on écoutait du Motion Ride. On l'écoute fréquemment, mais on écoute aussi fréquemment du Mills DJ. Aussi qu'il y a un nouvel extrait qui sort. Je dois l'écouter en ondes parce que je le trouve bon, tu sais. C'est Rage Rave MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. Thank you. chanson. C'est fou, 89 ans. C'était Dad's Dead par Son of Silver, précédé de Mills DJ avec Rage Rave au Mathieu Plante Show. C'est ce qui nous amène au bloc Geek Cynix. Le segment Geek Cynix, c'est la chronique dans laquelle on parle des nouvelles technologies, des jeux vidéo, etc., tout ce qui se rattache à ça depuis les 7 derniers jours. Et cette fois-ci, en remplacement de notre fond habituel, qui est ce qu'on entend en ce moment, on va écouter une des dernières pièces de notre série DKC Mixtape, parce qu'elle dure 16 minutes, puis j'ai pas envie de passer 16 minutes à écouter cette pièce-là, fait qu'on va la jouer derrière à la place, tu sais. Mais je veux jouer la série au complet, fait que je l'ai fait jouer quand même. Donc, Cynix. Espérons que ça va être intéressant avec cette musique-là derrière. Une application pour lutter contre la distraction au volant. L'utilisation de cellulaires par les automobilistes représente l'une des principales sources de distraction et cause d'accidents au Canada, selon les données de la Gendarmerie royale du Canada. Ça a l'air tellement dramatique. L'entreprise calgarienne AppColony a donc développé une application pour téléphone intelligent afin de contrer le problème. OneTap agit comme un assistant personnel et prend en charge les appels entrants, les textos et les alertes qui ont tendance à attirer l'attention des conducteurs distraits. L'application utilise le système de positionnement satellite, donc le GPS du cellulaire, pour savoir quand son propriétaire est au volant. Et lorsque c'est le cas, OneTap s'active et bloque automatiquement toute sonnerie, alerte et autres notifications et répond instantanément aux appels et aux messages textes en avertissant les correspondants que la personne est en train de conduire. I'm driving. Une fois arrivé à destination, le conducteur reçoit un résumé des appels et des messages reçus pendant le trajet. Pour le moment, l'application gratuite est disponible en anglais sur les appareils Android, mais des versions en français pour iOS sont en développement selon l'entreprise. La distraction au volant constitue la cause principale d'accidents mortels au pays ces cinq dernières années, contribuant à 33% de ces accidents, selon les données 2014 de la GRC. La plupart des provinces et territoires ont revu leur législation pour restreindre l'utilisation de cellulaires par les automobiles, mais ça cause quand même des problèmes. Une imprimante 3D pour recréer un squelette de 60 millions d'années. Le squelette du crocodile a été retrouvé fragmenté en 2001 à travers les roches des Badlands dans le sud de la Saskatchewan. La découverte est importante puisqu'une grande partie du squelette a été retrouvée, bien qu'il manque la queue et quelques autres pièces aux vestiges de l'animal qui datent de l'ère suivant celle des dinosaures. Selon l'assistant conservateur du musée Wes Long, le reptile était un jeune adulte qui mesurait un peu plus de 2 mètres au moment de son décès. Près de 15 ans après la trouvaille, le Musée royal de Saskatchewan peut maintenant travailler à la reproduction en plastique souple du reptile. Chaque fragment du squelette est reproduit grâce à un processus de moulage, à l'exception du crâne, dont la complexité requiert l'utilisation d'une imprimante 3D. En plus de reconstruire précisément le crâne du crocodile, l'imprimante permettra à Wes Long de créer la partie gauche de la mâchoire qui n'a pu être retrouvée. Contrairement à la queue qu'il ne peut recréer faute de modèle, Wes Long pourra utiliser la partie droite de la mâchoire pour en faire un double. Il s'agit de la première fois que l'équipe du laboratoire du musée utilisera l'imprimante 3D dans ses projets. L'équipe du laboratoire ne sera pas la seule à apprécier le travail effectué sur le squelette puisque celui-ci pourra être présenté au grand public lorsqu'il sera ajouté à la collection du Musée royal de la Saskatchewan. Des chercheurs du MIT développent un système permettant à des meubles en kit de s'assembler seuls. Si on est encore loin d'une solution grand public, IKEA peut commencer à trembler. Monter un meuble en kit n'est pas toujours facile, même si les constructeurs cherchent à réduire la tâche des consommateurs. Les scientifiques du MIT s'interrogent actuellement sur les possibilités de rendre le montage de meubles plus simple et plus rapide. De leur réflexion est née une chaise capable de s'auto-assembler une fois immergée dans un bac d'eau. Composée de 6 grosses pièces dotées d'aimants, la chaise s'assemble grâce au courant de l'eau qui pousse les éléments les uns vers les autres. Évidemment, on imagine difficilement disposer chez soi d'un énorme bac d'eau pour monter ses meubles, mais les chercheurs menés par Skyler Tibbetts et son équipe visent principalement à tester les différentes façons qu'ont les matériaux de s'attacher automatiquement. L'objectif de Skyler Tibbetts, qui a déjà travaillé sur des matériaux programmables, est donc de parvenir à sortir les meubles de l'eau et de rendre l'assemblage possible dans la réalité. La démarche n'est pas aisée puisque de nombreuses variantes sont à prendre en compte, la taille, le poids, la forme des pièces. À l'heure actuelle, la quantité d'eau et la gestion des courants entrent aussi en ligne de compte. La vidéo publiée par le MIT montre un assemblage rapide, mais il a fallu en réalité 7 heures pour que la chaise se monte toute seule. Vous pouvez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Il faudra donc attendre avant de mettre sa caisse à outils à la poubelle. Les meubles capables de s'assembler eux-mêmes ne sont pas encore prêts à remplir les entrepôts d'IKEA. Néanmoins, les travaux réalisés sur les matériaux pour les programmer à s'organiser sans intervention humaine laissent penser qu'il sera un jour prochain possible de regarder sa table ou son étagère se monter toute seule. Et ben. On revient au Québec avec des chercheurs d'Hydro-Québec et d'un institut de Singapour qui viennent de réaliser une percée technologique dans le domaine des piles rechargeables. Les chercheurs de l'Institut de recherche, on remarque qu'avec le fond, je parle deux fois plus lentement que d'habitude, fait que ça va prendre deux fois plus de temps à faire les nouvelles. Les chercheurs de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec et de l'Institute of Bioengineering and Nanotechnology de Singapour ont réussi à perfectionner des matériaux qui composent ces piles de nouvelle génération, soit des silicates. Soit les Silly Cats, des petits chats fous. On dirait les Rockin' Cats de Samuel Girard en début d'émission. Donc des Silly Cats, ça pourrait permettre de doubler la capacité de stockage des piles par rapport à celles qu'on utilise actuellement au lithium-ion à base de phosphate. En entrevue, donc Karim Zaghib, directeur de stockage et conservation d'énergie à Hydro-Québec, a exprimé son enthousiasme. C'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de travaux dans ce domaine, a-t-il fait valoir. Ces piles au lithium-ion alimentent plusieurs appareils électroniques comme les téléphones intelligents, les véhicules électriques et certains appareils médicaux. Il fait valoir que les silicates qui servent au perfectionnement de ces piles sont des matériaux sécuritaires qui sont en abondance et qui ne sont pas coûteux en plus d'être performants. C'est un matériau très intéressant pour les applications, soit pour les portables, soit pour l'électrification des transports. Si les autres chercheurs n'ont pas réussi cette percée avec les silicates avant, malgré tous ces avantages, c'est parce que la fabrication du procédé est compliquée, pas facile du tout. On croit que la nouvelle technologie pourrait être développée et commercialisée de manière abordable dans un avenir pas trop lointain. Hydro-Québec, je cite ici, nous déjà, Hydro-Québec et nos partenaires, on a le brevet de base, mais en revanche, il nous reste à optimiser le procédé et aussi à augmenter le nombre de cycles de charge et de décharge des piles. On envisage un horizon de 2 ans pour les appareils portables si les chercheurs parviennent à accroître ce nombre de cycles et entre 2 et 4 ans pour les véhicules électriques. C'est le partenaire d'Hydro-Québec, IBN, qui a l'expertise en matière de synthèse des produits chimiques et en nanotechnologie. Cela, je cite, nous permet d'explorer de nouvelles méthodes de synthèse et de conception de nanostructures propices à la réalisation de matériaux complexes qui conduiront à d'autres percées dans le domaine des accumulateurs, en particulier pour l'électrification des transports. Un t-shirt connecté pour transposer les réseaux sociaux dans la vraie vie. Une perspective qui devient réalité grâce aux travaux des chercheurs de Tangible Media Group et de Fluid Interface Group du MIT. Passer du smartphone au t-shirt pour faire de nouvelles rencontres, tel est l'objectif du projet mené conjointement par les Tangible Media Group et Fluid Interface Group du MIT. Ces derniers ont déjà travaillé autour des vêtements connectés qui se développent actuellement grâce à la possibilité de tisser des composants directement dans le textile. Je cite, « Nos profils Facebook ou Twitter atteignent des milliers de personnes quotidiennement, mais la façon dont nous nous présentons sur ces médias sociaux est intangible. Nous ne les portons pas sur nous. Nous voulions voir si nous pouvions fusionner les deux pour créer des catalyseurs sociaux. » Hein? C'est n'importe quoi, ça. Le résultat de leur réflexion a débouché sur un prototype de t-shirt connecté. À l'avant, on trouve des motifs imprimés à l'encre thermochromatique. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui vous montre la manière dont le vêtement est conçu. Relié au smartphone et donc aux réseaux sociaux par ce billet, le t-shirt vibre lorsque son porteur se trouve à proximité d'une personne partageant les mêmes centres d'intérêt. S'il s'en rapproche et le touche, le t-shirt affiche alors les points communs entre les deux personnes. Ouais, j'ai vraiment hâte que mon voisin immédiat me touche pour savoir si on a des affaires en commun. Donc, le t-shirt social n'est pas encore prévu à la vente, mais on peut facilement imaginer des usages communautaires qui pourraient intéresser des marques, clairement. Le studio hollywoodien Sony compte produire un film qui mettra en scène des voitures autonomes, c'est-à-dire sans conducteur. Le réalisateur Gore Verbinski, qu'on connaît pour Pirates des Caraïbes, réalisa ce projet dont on connaît déjà le contenu. Des voitures sans conducteur mises en scène dans un film hollywoodien, c'est pas un nouvel épisode de la coccinelle de Disney. C'est quoi ces blagues-là, Clubic.com? Mais d'un long métrage que prépare actuellement Sony Pictures. Scénarisé par Steve Conrad et réalisé par Gore Verbinski, le film n'a pas encore de titre, mais porte le nom de code Driverless Car Race. Donc, course de voitures sans conducteur, c'est vraiment super descriptif comme titre, hein? C'est aucunement original. On sait néanmoins qu'il s'agira d'une comédie, c'est évidemment un titre de travail, ce sera pas le titre en cinéma. Verbinski promet de rassembler les acteurs comiques les plus drôles de la génération autour d'une histoire de voyage expérimental de Paris à Pékin. Je me sens comme dans une pub de Escale, hein? De Paris à Pékin, des personnes se porteront volontaires pour expérimenter des voitures autonomes sur un long trajet pour permettre en concurrence les logiciels de pilotage de différentes entreprises. Il faut donc s'attendre à des situations rocambolesques. Les voitures autonomes se font grandement parler d'elles depuis quelques années. Hollywood n'a pas attendu les travaux de Google ou l'arrivée des premiers véhicules sans conducteur en Angleterre pour évoquer le sujet. Seulement jusque-là, les voitures autonomes étaient des éléments de science-fiction. Alors que là, ça n'en est pas... le malheur qu'a encore accompli Pebble sur Kickstarter, c'est arrivé cette semaine et c'est Colin, tellement cool de voir ça. Pour annoncer la 3e génération de sa montre connectée Pebble, certains diraient leur 2e génération parce que la 2e était pas mal juste 1.5 de l'ancienne, Pebble a réutilisé avec succès le financement participatif de Kickstarter, la même chose qu'ils avaient fait en 2012. En quelques heures, la firme californienne a réussi à trouver sur Kickstarter plus de 30 000 investisseurs qui ont déboursé un montant total de 6 millions de dollars. La campagne visait de façon modeste à amasser 500 000 dollars d'ici le 27 mars. On est le 25 février. Elle a atteint son objectif en moins d'une demi-heure dans la journée du... date s'il vous plaît, 24 février, c'est hier donc... ces acheteurs de la première heure de la nouvelle Pebble Time ont accepté de débourser un minimum de 159 $ américains selon la formule la moins coûteuse. Elle leur sera livrée en mai. La montre connectée sera ensuite disponible au grand public plus tard en 2015 au coût de 199 $ US. Les nouveautés de la 3e, 2e génération, une autonomie de 7 jours et un écran couleur à encre électronique, le papier électronique, comme les versions antérieures. Ça va durer 7 heures sans charger. Tu sais, la Apple Watch va devoir être chargée minimum une fois par jour et va coûter minimum 350 $ avec un bracelet cheap de caoutchouc, t'sais. En dollars américains. Ça va monter en haut de 500 $. Je suis un petit peu en train de revoir l'idée d'acheter ça, t'sais. Plus sûr, t'sais. Bref. Dans les nouveautés, encore une fois, plus mince, équipé d'un micro. Maintenant, on va pouvoir envoyer les messages textes par microphone, prendre des notes, pardon. Les messages textes, c'est des petits messages déroulants sur un menu, quelque chose comme ça. Ça communique avec l'iPhone et Android par Bluetooth. 6500 logiciels qui sont déjà disponibles, qui vont être encore compatibles avec le nouveau modèle. Et puis, on va mettre un petit peu à l'arrière-plan les applications, contrairement à les mettre à l'avant-plan comme avant. Maintenant, on va vraiment mettre le temps, l'heure et les tâches que vous avez à accomplir, l'agenda de la journée à l'avant-plan dans ce qu'on appelle le timeline. Donc, le PDG de Pebble Technology, Eric Midzikowski, explique avoir choisi de nouveaux Kickstarter pour permettre aux adeptes de la première heure d'être les premiers à pouvoir mettre la main sur la montre. Et ça fonctionne très, très bien comme formule Kickstarter pour les grosses compagnies, pour les petites compagnies big dans l'underground, mettons. Si c'est gros pour une petite compagnie, on se comprend. Donc, c'est une entreprise indépendante qui a lancé la première montre connectée à succès en 2012 sur Kickstarter. Avec 10,2 millions, l'objectif était de 100 000 $. On a atteint le million de montres vendues en décembre dernier pour Pebble. Je viens juste de vendre ma Pebble version Steel, la deuxième version, entre guillemets. Je l'ai vendue en prévision d'acheter l'Apple Watch, mais là, avec le prix que ça va coûter, pas mal sûr qu'on va attendre la deuxième génération, tout le monde. Ceux qui vont acheter la première génération sont des personnes vraiment très, très, très, très... comment dire? Alors, je sais pas, je veux pas donner de mots là-dessus, mais pour vrai, si je le fais, vous pourrez me dire des bêtises. Parce que clairement, la version numéro 1 va être beaucoup plus grosse tu sais, moins belle que la version numéro 2, qui va coûter beaucoup moins cher aussi. Fait que pour vrai, j'y repense. Je peux changer de sujet si ça vous intéresse. On va bientôt devoir se quitter. Je vais sauter par-dessus les nouvelles grand public. Il y avait entre autres le Superfish dans les appareils Lenovo. Je vous conseille dorénavant de ne pas acheter d'appareils Lenovo parce qu'ils ont mis un petit logiciel qui vous surveillait pas mal là-dedans. Là, ils l'ont enlevé, ils sont excusés, mais reste que si une compagnie est prête à faire ça, c'est que c'est une compagnie qui ne mérite pas votre argent. L'édition 20e anniversaire de la PS4 n'a pas réussi à se vendre. En fait, c'est vendu aux enchères, ça a été annulé, le gars n'a pas fait son paiement, donc on a... Les 127 000 $ de l'enchère vont quand même être donnés par Sony. C'est un don qu'ils ont décidé de faire. Finalement, on va y aller avec, pour terminer, une grande exposition sur les jeux vidéo qui va se passer cet été au Centre des sciences de Montréal. Ça va être le 16 avril au Centre des sciences. Cette expo, donc les organisateurs qui ont qualifié ça d'exposition la plus complète jamais créée, dédiée à l'évolution fulgurante des jeux vidéo et du gaming d'aujourd'hui. Dans cette installation conçue par le Barbican de Londres, les visiteurs seront invités à jouer à une centaine de jeux vidéo, tout en revivant l'évolution de cette industrie depuis les années 60. Nombre de classiques et de grandes marques seront donc au rendez-vous. Le spécialiste du domaine, Denis Talbot, agira comme porte-parole. Je cite, Game On est une exposition qui permet non seulement aux plus jeunes de jouer à des grands classiques qui ont marqué l'histoire, mais aussi aux parents de tenter de battre le record d'antan. La perspective de toucher et de redécouvrir ces jeux me plaît beaucoup, et que dire des nouveautés. Les métiers liés aux jeux vidéo seront aussi mis de l'avant en collaboration avec Ubisoft. Ils vont mettre en valeur les divers métiers de l'industrie afin d'inspirer et de préparer la prochaine génération d'artisans qui continuera de faire rayonner notre ville sur la scène internationale. C'est ce qu'a indiqué Julie Payette, directrice du Centre des sciences. Voilà pour les nouvelles, le reste sur assemblagerequis.com. Évidemment, il faut passer à autre chose parce qu'on est rendu à la série DKC Mixtape 94 qu'on écoule très tranquillement au rythme de 3 pièces par émission. Ça, c'est quand même long parce qu'il y en avait 35 en tout, mais on s'est rendu jusqu'à la fin. Ce qu'on écoute en ce moment, c'est la pièce numéro 34, l'avant-dernière, celle qui dure 16 minutes. Donc c'est The Nate Horsefall Experience featuring Elliot Worland et Detective Tuesday avec Shine on You Crazy Hot Head. On entendra après, là c'est dans le désordre parce que je voulais vraiment parler par-dessus, mais en 32e c'est Codename Trigger Thumb avec Phantom of the Macapera. Ensuite Joshua Cortez et In a Snowbound Land, et on va terminer avec Adam Henry et Electro Nanar. C'est une compilation DKC Mixtape 94 qui est un projet de Big Matt avec 35 pièces qui rend hommage à la série Donkey Kong Country, les versions 1, 2 et 3 pour la Super Nintendo, sortie il y a 20 ans cette année. C'est une série de jeux de plateforme que bien des gens, dont moi, adorent. Vous pouvez payer ce que vous voulez comme montant sur Bandcamp, bigmattattackspresents.bandcamp.com, pour avoir l'album de 35 pièces et des pièces très très longues. Ça dit pas le total de la compilation complète, mais c'est long en titi. Je vous le dis. Bon, donc on va écouter The Nate Horsefall Experience, puis le reste que j'ai mentionné après. J'essaie de voir si j'étais capable de mettre toutes les pièces dans Winamp, et ça me dit combien? Alors je pense pas que ce soit vrai, ça dit juste une 21 minutes. Pense pas. Pense ça. Alors on écoute ça, et puis on se retrouve avec la conclusion du Mathieu Plante Show dans quelques instants. Restez là. Oh yeah. Adam Henry, Electro Nanar, précédé de The Nate Horse, non, par Joshua Cortez et Snowboardland. Et au début, Codename Trigger Thumb avec Phantom of the Mac Opera. Et évidemment, The Nate Horse Fall Experience, on l'a entendu pendant que je parlais tantôt avec Sean, New Crazy Hothead. C'était la fin de la série DKC Mixed Ape 94 que vous pouvez retrouver sur BigMadAttacksPresents.bandcamp.com. Évidemment, le lien est sur AssemblageRookie.com. C'était une compilation qui rend hommage à la série de Donkey Kong Country 1, 2 et 3. À la prochaine fois, notre prochaine série en concert va changer complètement de style. Ça va être la musique de Sonic the Hedgehog, Spin Dash, qui réimagine la musique de Sonic the Hedgehog, produit par DJ Cutman. 16 remixers qui vont dans chacun des styles possibles où ils pourraient aller. Donc le dance, le future bass, le D&B, le house, le trance, même le dubstep dans cette série-là. Donc on va entendre un petit extrait juste pour savoir de quoi ça va avoir la prochaine fois. C'est juste pour le fun. Remix exclusif avec une licence de Sega. C'est approuvé par Sega, ça. Shops présente Spin Dash, The Ultimate Sonic The Hedgehog Remix Album à partir de la semaine prochaine dans le Mathieu Plante Show. Mais nous, pour l'instant, c'est la fin de l'émission de cette semaine. Oh oui, je sais, c'est triste. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, entre 13h et 15h. En rappel, les jeudis de 17h à 19h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès Sifou les mercredis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur sifou.ca et retrouvez les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi liker la page Facebook sur facebook.com/MathieuPlanteShow. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté! Bye bye!